Le reste de la journée s'écoula sans autre incident. On acheva de tout préparer pour le départ de Mulready. Mais peu après son départ, Mulready est retrouvé poignardé. Ils apprennent alors de Mulready que Ben Joyce et ses comparses, munis de la lettre adressée à Tom Austin, vont s'emparer du Duncan et seront les maîtres de l'océan Indien. Bien décidés à arriver à la côte avant les voleurs, Glenarvan espère franchir la rivière Snowy sur un pont. Mais c'était un pont de liane que les convicts ont brûlé après leur passage. Le pont détruit, il fallait passer la Snowy coûte que coûte et devancer la troupe de Ben Joyce sur les rivages de Twofold Bay. Mais les eaux tumultueuses et grossies par les pluies ne baissaient pas. Le lendemain du 16 janvier, John Mangles construisit un radeau à la manière australienne avec de larges morceaux d'écorce de gommier. Mais ce radeau chavira au premier essai. 5 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Ben Joyce. Le yacht devait être en ce moment à la côte et aux mains des convicts. John Mangles et Wilson s'occupèrent de construire un nouveau radeau, grossier mais solide. À midi et demi, on embarqua ce que chacun pouvait emporter de vivres pour un trajet de 2 jours. Cependant, le radeau s'engagea au milieu de la Snowy. Enfin, après une traversée qui dura plus d'une demi-heure, il vint heurter le talus à pic de la rive. Le choc fut violent, mais tout le monde fut sauvé et la rivière était franchie.